Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Un béguin chasse l'autre, ça se discute pas. Il y a des gens qui commencent des histoires sans s'occuper de comment elles peuvent finir. Bien sûr que je me fous d'elle, mais c'est d'elle que j'ai mal. C'est le printemps, il y a comme du sucre dans l'air. Jeter des mégots dans le verre des gens, c'est-il des manières ? Toutes ces formules pourraient être des titres, un peu longs peut-être, de romans signés San Antonio, ou des répliques, des 10 romans. Ces formules, des dialogues, sont bien signés Frédéric Dard, cela dit, mais pas complètement. Signé d'un Frédéric Dard ayant adapté un roman célèbre, le premier roman de Francis Carco. Et le monde de Francis Carco n'était pas tout à fait le monde de Frédéric Dard, quoique Montmartre et les hommes, mais y a-t-il encore de vrais hommes à Montmartre? Jésus Lacaille, première diffusion sur France Culture le 11 juillet 1968. Le théâtre populaire de juin 44 présente, dans une production de Maurice Bertrand et une réalisation d'Evelyne Frémy, Jésus Lacaille de Frédéric Dard, d'après le roman de Francis Carco. Avec Rosy Vart, Fernande, Maurice Sarfati, Jésus Lacaille, Germaine Montero, Bertha, Jacques Degore, Le Corse, Jacques Mauclair, Pépé Lavache, Michel Creton, Loupé, Jacques Fonson, La Puce, Pierre Ferval, le patron de café, avec Marcel Alba et Robert Verani. Bruitage, Jean-Jacques Noël. La chanson de Jésus Lacaille, interprétée par Germaine Montero, est de Francis Carco et Joseph Cosma. À l'accordéon, René Joly. Chef opérateur du son, Robert Lavoigna. Collaboration technique, Raymond Anna. Assistante, Marie-Rose de Rouet. Réalisation, Evelyne Frémy. Après cet hommage à Francis Carco par Armand Lanoux, nous vous invitons à écouter Jésus Lacaille. Bien maquillé, pomponné et truqué, onduleux, la lèvre aguichante, les adolescents que je chante ne sont pas tous sophistiqués. L'un d'eux se moquant du scandale sur le boulevard de Clichy tapinait de blanche à Pigalle et ne faisait aucun chichi. Jésus Lacaille est un garçon qu'on prend souvent pour une fille, qu'on prend souvent pour une fille. On dit de lui qu'elle est gentille, qu'il a du charme à sa façon. Fille, garçon vont bien ensemble. Ce qui manque à l'un, l'autre là, que vous ensemble, tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la. Une chambre d'hôtel dont la fenêtre ouvre sur une perspective de toit que dominent les ailes du Moulin de la Galette. Fernande, en déshabillé, est occupé à se tirer les cartes, tandis que le Corse, en maillot de corps et caleçon long coiffé d'un melon beige, joue du clairon. 1, 2, 3, 4, 5, 9 de cœur. Tu joues faux! Possible, mais joue fort. Ouvre tes étiquettes. À la soupe! Oh là là. Pas tant que ça! les bottes d'œufs. Joyeux, fait ton phobie, pas vu, pas pris, mépris, rosti, bataf. Oh, ça va. Augier. Augier. Augier? Le valet de pique. Et alors? Qu'est-ce qui t'a fait? 1, 2, 3, 4, 5, roi de pique. 1, 2, 3, 4, 5, roi de trèfle. Encore. Alors, décidément, moi j'ai la poisse avec ces deux mecs. Ils nous courent après, à moi et à Augier. L'extinction des feux. C'est pas aux pommes, ça? Eh ben, tu vois, ça s'arrange. Mm-hmm. Il s'est barré, ton roi de pique. Oh, dis, voilà le grand amour. Le Valeton et toi, hein? Parce que c'est bien toi, là. On dirait. Ben voyons. Le Valeton et toi, vous allez être à vous. Hein? Qui c'est, ce Valeton? Un gigolo? Augier. Augier, Augier. Augier, avec sa gueule peinte et ses yeux de biche, on dirait Jésus l'accueil. Pop. C'est pas vrai, peut-être? Tiens, vise Cécile. Et puis la façon dont il met la main sur la hanche, là, comme ça. Et c'est l'accueil tout craché. Avec ça que tu l'avais pas remarqué, hein? Dès que tu vois ce môme, tu te pâmes. Fais gaffe, Fernande. Je te préviens. Tu me connais. Ah oui, plutôt. Tout le monde ici me connaît. De Clichy à Pigalle sur tout le bitume de Montmartre. On le connaît, monsieur Dominique. Et parce qu'on me connaît, Fernande, on me craint. Pas sûr qu'on te craint. C'est pour ça que les gigolos qui t'intéressent, comme celui-ci, par exemple, ou bien ceux que tu intéresses, comme, mettons, Pépé la vache. Quoi? Je dis, mettons. Tous ces gars-là, Fernande, feraient bien de se méfier. Oh, sans blague. T'as jamais rien eu à me reprocher. Manquerait plus que ça. Qu'est-ce que t'as? Rien. C'est le beau temps qui te rend triste. Il pleut. Tu vas dans le monde? J'ai boulot, t'occupe pas. Et moi? Toi quoi? Qu'est-ce que je fais, toi? Bah, bricole. T'as des drôles de questions depuis quelque temps. Oh. Je me comprends. Tant mieux. Moi, les gonzesses qui parlent d'une voix chavirée, elles me défrisent. J'ai envie de les mettre au pas. Et je les remets. Veux? Les souris, si on n'était pas là pour vous dresser, tu parles d'un gâchis, mon neveu. Vous faudrait des salades et des salades, hein? Le Magic City, la grande roue. Oh, ça va. C'est toi qui jacques pour le quart d'heure. T'es là, tu t'échauffes, tu te montes. La ferme. Je te bonis peut-être pas des romances, mais avec moi, t'es parée. Oh, bah, tu crois que ça suffit toujours à une femme d'être parée? Tu t'imagines qu'il y a que ça qui compte? J'ai rien à m'imaginer. Et toi non plus. C'est ce qui perd les filles, de s'imaginer des trucs. Moi, sans prétention, je connais la vie. Et je la pratique. La vie. Voilà une que j'ai fréquentée de bonne heure. Il y en a comme toi qui ont des souvenirs présentables. Toi, quand tu fumes la pipe, tout habillé là sur le lit. C'est Bastia, ton patelin. Puis les battes d'Af. Et des nuits et des jours dans les bastringues des ports avec... avec les rafales des vents qui arrachent tout, avec la mer, avec les vagues, avec... Oh, moi... Oh. Bah, toi, c'est toi, moi, c'est moi. Chacun son lot, non? Ouais, ils les battent, mon lot. La rue de la joie. Oh, quelle rigolade. Mon vieux tenin bistrot... Non, passe la main, je connais l'histoire. Je m'ai mise à grandir. C'est mauvais pour une fille de grandir. Mauvais pour tout le monde, note bien, mais surtout pour une fille. J'avais 16 ans. Je servais au comptoir. Et un soir, Le père m'a prise. Tu parles d'un salingue. Il y a des jours où je crois voir sa tête sur les épaules de tous les hommes. De tous, t'entends? Et alors t'as filé de chez le vieux pour te mettre avec petit Maurice. Un beau cave encore celui-là. Il y a longtemps qu'il me courait. Je peux pas renifler les casseurs à la manque. Il y en a des gars que tu peux pas renifler, le Corse. Il y en a beaucoup, il y en a trop. Un de ces jours, tu tomberas sur un os. C'est ma santé qui t'inquiète. Tu vois mes deux points, hein? Ça, c'est de la mécanique de précision, Fernande. Et ils le savent. Il y a toujours de la place devant moi lorsque je passe. Pff, cogner, c'est ton vice. Et puis, s'il n'y avait pas quelques hommes sur la butte, qu'est-ce qui mettrait de l'ordre? Déjà que c'est pourri de truqueurs, de bourriques, de tentes. Ah, si c'était pas les flics, tu voudrais voir ce coup de balai. Je vois ça d'ici, oui. D'être un mâle, ça n'empêche pas les sentiments, tu sais. Au contraire. Seulement, il y a la manière qui change. Souviens-toi, Fernande, quand j'ai eu vie des petits Maurice, le soir qui te cognait, c'est tordu. Quand on dérouille une femme, faut savoir. Là aussi, il y a la manière. Si on l'a pas, faut pas s'en mêler. Et dis la gosse. C'était la grande secousse, nous deux, hein? Ah, on en a fait des envieux. Faut dire que c'est le beau couple, nous deux. Que tu le veuilles ou non. On allait guincher au Moulin Rouge. Et pas un mec osait t'inviter. Ils étaient tous à te regarder de loin comme une vitrine de Noël. Simplement parce qu'ils savaient que t'étais marié avec le Corse. C'est pas bon de se sentir une femme respectée. Après qu'on a eu bricolé avec un traîne-patin comme petit Maurice. Hein? Réponds. C'est pas bon. Si. Si, si, si. Ah, alors toi, pour comprendre, il faut se lever matin. Tu le sais pas, des fois, que toutes dans le quartier, elles en crèvent de te voir avec moi? Si je te larguais, j'aurais qu'un geste à faire pour choisir dans le tas. Et je te le dis cause que c'est vrai. Je cherche pas à me vanter. J'aime pas pavoiser, moi. Et puis les gonzesses, je m'assois dessus. Je sais. C'est pour ça que j'en ai du succès, ma belle. Ici et là, moi qui te parle. Sais-tu ce que t'as fait depuis le premier du mois? Vas-y. 1723 balles. C'est pas le Pérou, hein? Ah, tu trouves? Ah ben, on voit que c'est pas toi qui marche. Suffit. Je suis pas toujours derrière toi, mais te voilà prévenu. Marche droit ou sinon... Oh, c'est encore tes idées qui te reprennent, y'a rien à faire, quoi. Qu'est-ce que tu dis? Ben, je dis que t'as pas raison. J'espère. Enfin, on verra. Allez, je me bats. Et à quelle heure qu'on se retrouve? Bon... Entrez. Oh, la caille. Oh, la caille. Mais t'es dingue. Si le corps te trouvait là. Il n'y a pas de danger, je l'ai vu qu'il prenait un taxi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bambou est fait. Quoi, bambou? On a fait le monde bambou? Ouais. T'as vu Mina? Non, pourquoi elle en était? C'est elle qui a levé le pente. Mais lui, il voulait aussi un gigolo. Bambou arrive, ils s'entendent. À la caisse, la Jeanne qui observait le client leur fait signe de la tête. Non, non, non, non, pas franc, tu parles. 20 minutes après, Mina appliqua en vitesse. Bambou est poissé. Oh, on l'a donné? Bah, évidemment, le coup des bourriques. Oh. Dans la chambre, le client crânait. Il avait les poches pleines de fric. Tu penses si Bambou ziotait? Pendant que le pente se déshabille, il lui fauche son portefeuille. Mais l'autre qu'il surveillait dans la glace, il a hurlé. Alors Ménard et le gros du pied des mœurs, qui étaient comme par hasard dans le bureau de l'hôtel, ils ont emballé Bambou et ils ont dit à Mina, toi mine de rien, tire-toi et tiens ta langue. Oh les vaches. Oh, ça serait pas un coup de ton homme par hasard? Oh, je crois pas. Il en a pas après Bambou, le Corse. Ce serait plutôt à toi qu'il en voudrait. Mais qu'est-ce que j'y ai fait? Pourquoi moi? Oh, il peut pas sentir les mignards. Et des fois, quand il apprend qu'une femme a doublé son homme avec une tante, eh ben ça le fout en rogne. C'est comme si ça serait lui qui est cocu. Parole. Toi, il y a longtemps qu'il te vise. Je voulais te le dire. Enfin, je voulais pas. Je peux pas savoir comment qu'il s'y prendra. Le coup de bambou à l'hôtel avec Mina, ça peut en effet être de lui. Alors, méfie-toi. Mais il t'a parlé de moi ? Non, jamais. Il me dit jamais rien. Des fois, quand il dort, il cause tout seul, j'écoute. Puis ensuite, j'arrange tout ce qu'il a raconté. Me voilà prévenu. Mais je te jure qu'il m'aura pas. Non, ma petite gueule, il t'aura pas, non. Mais bambou, oh, c'est pas juste. Bah, n'y pense plus. Son frère, la puce, a pu le voir au dépôt. Il lui a remis une lettre pour moi. Tiens, il est là. Donne. Mon gosse chéri, je t'écris du dépôt où qu'on m'a conduite tout de suite que Ménard et Dupied m'ont eu fait. Méfie-toi d'eux surtout. Là-haut, c'est plein d'indicateurs. Je sais pas qui m'a vendu. Ça viendrait du Corse que ça m'étonnerait pas. Je pense à toi, petite tête, et j'ai le cafard. Je t'écris ce mot pour que tu aies de mes nouvelles et que tu te fasses pas de bile. Moi, je t'embrasse, voilà. Oui, moi, je t'embrasse bien tristement et je signe ton homme pour la vie. Bon. Chiale pas. Oh, mais c'est trop triste. Je peux plus rester seul chez nous dans notre chambre. Rien que de voir ses souliers, ses cravates. Tiens, j'ai une photo de lui où il rit. Ça me fait mal de la regarder. Oh, mon bambou. Oh, faut secouer ton bourdon, mon Jésus. Je peux pas te sentir malheureux. Ah, moi aussi, ça me fait mal partout. Et j'ai envie de te serrer contre moi. J'ai envie de te mordre les oreilles. De te regarder dans les yeux jusqu'à ce que ça me brûle. Je voudrais boire tes larmes. C'est bon de t'entendre, Fernande. T'es une chouette môme. Oh oui, t'es bonne, t'es tiède. Comme un lit de plume. C'est marrant. Jamais on m'a donné de surnom dans les bars. Fernande j'étais, Fernande je suis restée. Ils disent quelquefois de moi, la douce. La quoi ? Tu le crois que je suis douce ? Oh, oui, je le crois, Fernande. Mon petit valet de pique. Oh, est-ce que je peux être mordue pour toi, si tu voulais, si c'était possible ? Où que tu voudrais qu'on aille, on irait. Dis, Macaille, ça serait batte. Je ferais du pèse, beaucoup. Oh, t'es chouette, Fernande. T'as des mots qui vous remontent. Mais... Oh, tiens. J'ai peur que tu m'aimes jamais comme t'aimes Bambou. Naturellement, Bambou, c'est mon homme. Et je le dirais, même devant le Corse. Tu le dirais ? Mais non, Lacaille, dis pas ça. Il te briserait comme il a brisé Bambou, comme il veut tous vous briser. Oh, Fernande. Qu'est-ce que je vais devenir ? Oh. Salut. Ah bah heureusement, c'est que Pépé. Oui, c'est que Pépé la vache. T'as pourtant eu des fois, Giron. Ah dame, si le Corse vous poirait les deux ensemble, dans sa carrée, ça ferait une drôle de valse. Et une sacrée partouze. Cécile. Alors ? Ah bah justement, je partais. Bonsoir. Salut Fernande. Attends-moi au bistrot d'en face, je serai pas longue. Ouais. C'est marrant, les roulottes de la fête qui fument en bas, sur le boulevard. Ouf, marrant, si tu veux. Alors ? Alors, je viens de causer. On joue franc jeu, nous autres, n'est-ce pas ? Figure-toi, Fernande, j'ai vu le Corse. C'est pas le moment de faire des conneries, Fernande. J'ai jamais fait de conneries. Ah oui ? Pourtant, le Corse me disait... La môme se dérange, je le sens. Si je la pince, elle et son dessous, je les rate pas. Et le Corse n'est pas une navette. Tu peux faire ce que tu veux, bien sûr. Mais il t'aura toujours. Moi, je le connais, ton dessous, Fernande. Faut être aveugle pour pas y voir. À ta place, je larguerai le môme. Largue-le, quoi ! Hein ? Une femme comme toi, sans ressentir pour une lope. Tu vas fort. Il manque tout de même pas d'hommes à Montmartre qui rigoleraient de t'avoir pour eux. Bah, commencez par moi. Tu m'écoutes ? Tu m'écoutes, mais ça t'embête. Hein. Il n'y a que la vérité qui embête Fernande, tu le sais bien. Bon, et alors? Toi, un diable, un vrai, frayé avec des bouchons de carafe comme le corse ou la caille. Oh, et on croit rêver. Dis, sincèrement, tu y trouves ton compte? Oh, ah, et tu crois qu'ils sont dingues pour toi comme je suis? Tu sais bien que non. Le corse ne pense qu'à ses poings, qu'à ses grosses pognes poilues, qu'à son morceau de cuivre. Ah, tu peux soupirer, c'est ce qu'il en a à foutre. Ça. Tu vois? Quant à la caille... Oh, parlons pas de lui, tu veux? Oh, c'est si grave. Mais qu'est-ce que t'as dans les chasses, dit Fernande? Qu'est-ce que t'as pour pas te rendre compte que c'est le dernier des truqueurs, que c'est du vent? C'est chez lui que tu veux chercher de l'amour sincère? De la belle amour, de la vraie? C'est sur ce môme que tu comptes? Fernand, me regarde moins un peu. Ça se lit pas dans mes yeux que je t'ai dans la peau, que je crève du besoin de t'avoir pour moi. Tu t'imagines qu'il y en a un autre parmi les autres qui soit capable de faire un grand coup pour t'avoir? Un grand coup, tu piges? Une chose terriblement moche, mais qui soit une vraie preuve, nom de Dieu. Toi, tu mijotes quelque chose. T'as peur? Je t'écoute. Bah vas-y, dis-la ton idée. Ce soir, le corse travaille. Il fait un coup. Je sais. Non, tu sais pas. À toi, il a rien dit, mais moi, je sais. Oh, garde-le pour toi si ça te chante. Je me fous pas mal des combines du corse et des tiennes avec. Et on dit ça. Bah, où c'est que tu veux en venir avec tes vannes? Bah, dis-le si t'es un homme. Comprends bien. Si t'étais pas mordu pour la caille, j'aurais qu'un mot à dire. Le corse serait fait. Tu le donnerais? J'ai mes raisons. Oh, je les connais, tes raisons, la vache. Et alors? Avant que le corse te prenne, je t'avais à la chouette. On aurait pu se mettre, nous deux, et voir venir, mais non. Il fallait du mec, hein? Du mec. Et aujourd'hui, je lis dans tes chasses que t'es pas heureuse ensemble. La preuve, t'es là, tout est ignolé parce que je bonis sur tes amours. Nos amours? J'ai pas d'amour que mon homme. Et devant ta gueule, tu penses que je vais chanter? Mes amours, mais tu charries. Et puis j'ai assez de toi, tu sais, j'en ai ma claque. Le corse est ce qu'il est, n'empêche, il en vaut 100 comme toi. Il sait y faire, lui. Toi, tu jactes, tu fais jouer ton miroir de la postiche. Hein. Des fois même, on croirait, tiens, t'es tellement renseigné sur tout, t'emballerais même le pape. C'est bon, ça me dit pas au turbu de mon homme ce soir. Nature. Oh, ben garde-le si ça te gêne. Moi, je suis tranquille. Le corse, quand il s'occupe, c'est dans le sérieux. Des fois qu'il raterait son coup. Tu m'épates. Et si je le veux, il le rate. Ah, suffit! Un mot que je lâche au corse, c'était foutu. Va le donner, mon homme. Essaye, tiens, et je te donne avec. Comme tu voudras, Fernande. Faut jamais défier un homme. Crois-moi. Ça se fait pas. Ou alors... La caille. Ma gosse. Jim. Qu'on prend souvent pour une fille, qu'on prend souvent pour une fille. On dit de lui qu'elle est gentille, qu'il a du charme à sa façon. Fille, garçon vont bien ensemble. Ce qui manque à l'un, l'autre là, que vous ensemble, tra-la-la, tra-la-la-la-la-la. Il fut pourtant victime d'un béguin qu'il avait inspiré sans peine à la péripatéticienne la plus régulière du coin. La dame l'aimant d'amour tendre, la caille se laissait aimer. Oyez-le comme il faut l'entendre, ses amours ne durent jamais. Thank you. un bar à Montmartre. On approche de la fermeture. Le patron somnole derrière son comptoir. Un gros homme attablé devant un verre vide fume en ayant l'air de s'ennuyer. Dans un coin, Loupé joue de l'accordéon. Au premier plan, Jésus Lacaille rêvasse. Tout au fond, les portes vitrées donnent sur la rue. On distingue en ombre chinoise, sur les rideaux blancs, les allées et venues de Bertha racolant les passants. Arrête ta zizi, Loupé. C'est l'heure. Tu vas me faire avoir une contredanse avec tous ces poulets qui rôdent dans le quartier. Arrête que je te dis. Tu m'entends? Ah, c'est moche quand même. Tout le monde en a sa part. Et comme ça, je joue trop fort? Fort ou pas fort, l'heure c'est l'heure. Il n'y a pourtant pas d'heure à Montmartre. Mais c'est tes raisons à toi, mais c'est pas les leurs. C'est pas, monsieur. Salut. Bonsoir. T'attends quelqu'un? Non, j'attends personne. J'attends simplement qu'il soit l'heure d'aller autre part. Tout ce qu'il y a pour ton service. Ah, moi, ce que je te demandais, c'est tes manières de causer. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu prends? Comme toujours. Avec un peu de... Non, nature. On te voit tout à l'heure pour une manie? Plus tard. Ah bon? Ben, et la Fernande, ça va? Je l'ai pas vue. Peut-être que tu la verras. Pourquoi? Pour rien. Des idées. Des idées comme ça dans ma tête. Bref, j'y vois clair. Et des fois aussi, j'y vois rouge. Rouge. Rouge. Rouge. Il y a des paumés qui devraient faire gaffe. Enfin bon, j'aime mieux pas m'énerver. La rincelette? C'est ça, oui, la rincelette. L'heure? 3 heures. Mmh. Boulot? Mmh. Mmh. Joyeux, fais ton fourbi. Pas vu, pas pris, mais pris, rosti. Pas d'œuf. Hein. Les mecs qui chantent ça, c'est pas des lavettes. Faut connaître pour en parler. Hein, bon Dieu. Tataouine. Le soleil qui vous colle aux tripes. Le bled. Oh, vous avez vécu dans le bled, le Corse? Tu sais lire? Hein? Ah. Ma... Mec... Mec... Mektoub. Ah. Les tronches. Mektoub. Oui, sais-tu seulement ce que ça veut dire? Non. Fatalitas. Oh, fatalitas. Nature. Au DAF, tous les gars se font tatouer. Il y a des durs, là-bas. Ah. Des costauds. Des caïdes. T'entends, gamine? Oui. Et la devise, c'est la même que celle des costauds des caïdes d'ici. Mort au bourrique. Mort au chiqueur, t'entends? Oui, oui. D'abord, appelle-moi monsieur. Oui, monsieur. Oh, Gilles. Gonzesse, va. Et ça fait le flambard, ça se prend pour je ne sais quoi. Faudra bien que je m'occupe de tout ça, un de ces quatre. Une autre translette? Y'a pas le temps. Soir. Soir. Un Chambéry fraise. Chambéry en voiture. Tu vas te saouler, la caille. 2 gouttes de fraise. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait aux Corses? Pourquoi ils me traitent comme le dernier des derniers, hein? Pourquoi? Ça peut plus durer, non, ça peut plus. Je serais de toi... Je changerais de quartier. Il y a des moments où il faut savoir se faire oublier. Oublier? Dame, quand on n'est pas de force... Mmh, des clous. Oh ben si il croit me faire peur... Ma foi, c'est à toi. T'es libre de voir. C'est tout vu. Sans blague, mais qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qu'il se croit? Je jetais son mégot dans le verre des gens. C'est-il des manières? C'est les siennes. Eh ben, elles me plaisent pas. C'est comme de vouloir que je lui dise, monsieur, il doute de rien. Oh, oh Pépé, qu'est-ce que tu fous là? Eh ben, je t'écoute. Dis donc, t'es marrant quand tu fais le méchant. Oh, Pépé, je... Et d'abord, appelle-moi monsieur. T'entends? Oui, oui, oui. Oui, qui? Oui, Pépé, oui. Oui, monsieur. Petit ange, va. Il ne te manque que des plumes. T'as vu le corse? Il sort d'ici. T'attends quelqu'un? Fernand? Eh, ben, tu te lances. Dans ton genre, t'es gonflé. Je te tire mon chapeau. Mais... Quoi? Oh, rien, rien. Soir, Mme Fernand. Qu'est-ce que ça sera? Un mêlé-corse. À cette heure? Enfin, comme vous voudrez. Beaucoup de mêlée, pas beaucoup de corse. Oh, mon Jésus. Ma Gosseline. Mais qu'est-ce que t'as? Je te cherche partout. Hein? Oh, ici et là, dans tous les bars où que j'ai été, personne. Oh, j'ai tellement besoin de toi. Voilà. Vous attendez le corse? Il sort d'ici. Mais n'ayez crainte, il peut encore se ramener. C'est bon, merci. Et toi, le tien d'homme? En tôle, il s'est fait sauter par les mœurs. Et t'en profites pour te ranger? Dis donc, loupé. La caille, il chire un peu trop. T'as vu? Avec une femme encore. J'en reviens pas. Oh, oui. Tu m'as fait mal. T'es ma gosse, hein? Ma gosse à moi. Dis-le pour voir que t'es ma gosse. Mais oui, t'as ta gosse à toi, c'est qu'à toi. On répète, répète. Oui. Si c'est pas malheureux, vise-les. Il devrait savoir que le corse, il charrie pas avec sa poule. Hein? Ben... Oh, elle est belle femme. Oh, elle me plaît à moi. Oh non, tu peux pas comprendre. Et il y a longtemps. Quand on aime, il y a toujours longtemps. Trop longtemps. Ainsi quand le corse me dérouille. C'est à toi que je pense. À tes chasses bleues, cernées. Tu ne savais pas que tu avais des chasses comme ça, petite gueule? Ah ben, tu les as. Quand je pense aussi à ta bouche... À ta peau de femme, alors oh, ça me donne envie, comme on est tous les deux, de la caresser, ta bouche. Toucher ta peau. Salut tout le monde. Fait plutôt froid. Qu'est-ce que je te sers, Bertha? De rhum. On la crève dehors. Et le business? T'es contente? Non. Oh, je sais pas ce qu'ils ont tous cette nuit. Leur faudrait un coup de printemps. Et toi, môme? J'attends mes potes. Qui sont donc tes potes? À l'atelier? Ben, dame. Et donc, la Fernande, elle exagère. Hein? Moi, je comprends pas qu'elle se mélange avec un truqueur. Tu le comprends, toi, chouchou? Non, il comprend rien. Son business à lui, c'est de rien, puis j'ai rien. S'il vous plaît. Tiens, il entrave tout de même le français. Tu paies un verre? Peu de langue. C'est au son de l'accordéon que Nénette a connu Léon et que j'ai rencontré Fernande. Elle était mince, elle était grande, cheveux coupés, l'air d'un garçon, chacun sa part et sa légende. J'ai pris Fernande au bon moment pour l'héroïne d'un roman. Mais aujourd'hui, je me demande si c'était vraiment pour Fernande et non pas pour l'accordéon que mon cœur battait pour de bon. Il jouait un air triste et tendre avec de longs gargouillements et les tendre, tournoyer mille enchantements. Qui veut aimer souffre d'attendre. J'ai trop souffert à mes 20 ans pour qu'au musette, en l'écoutant, l'accordéon qui tant est tendre et rauque inexorablement ne me permette de comprendre qu'il est désormais l'instrument des poètes, des cœurs à prendre et de mes mauvais garnements. Vas-y voir, patron, par quoi? La fête. Oui. Tu le savais que Pépé s'est ramené dans les parages? Ça promet. Tout de même, il y a des frangines qui ont de la demande. Ça promet. Et Pépé, qu'est-ce qu'il te voulait? Laisse tomber. Ah, écoute, c'est toujours la même chose. Il y a des années qu'il me fait du gringue. Bien, autant que j'étais la femme à petit Maurice. Il me cavalait déjà derrière. Ah, pas à dire. C'est un mec qui a les idées de suite, hein, tu peux me croire. Le petit Maurice, il disait rien? Oh, il disait rien. Des fois, il me filait des trempes, cause ce con-là. Et un soir, il a tellement cogné que le corps s'est pris mes crosses. Et que le petit Maurice a dû quitter la nuit de Clichy. On l'a plus revu nulle part. Ah, il y avait des durs à cette époque-là. Mais tu regrettes? Non, non, je regrette rien. Ou plutôt, il y a une chose que je regrette. C'est de ne pas être ensemble, les deux, comme je voudrais. Tiens! J'ai fait un touriste à l'heure. Il m'a refilé un drôle de billet. Tu le changerais, celui-là? Mais oui, pourquoi pas? C'était un Hollandais, je crois. Quelque chose dans ce genre. Oh, bah c'est Bat, hein? Bat. Oh, bien que c'est pas toi qui turbinais. C'est déjà pas marrant avec ceux qui causent en français, mais avec les autres, alors c'est le bouquet. Non, en plus du regret de leur conne de vie, ils regrettent leur patelin. Oh, non, mais tu juges. Enfin, c'est le turbin. Pauvre mon gros. Ah, dis, Berthe, laisse la clientèle tranquille. Hein. Mais comment que je la laisse, cette clientèle-là? Je m'en voudrais de grimper avec un... S'il vous plaît. Vous me causez? Non, mais, visez la cahier Ferland. Oh, ça a l'air bon. De derrière ton zinc, tu vas voir un de ces cirques, si le corps sera digne. Oh là là! Allez, je me barre. Au revoir, patron. Au revoir, mon petit loupé. Je vous suis, madame Bertha. Ah. Mais le Corse? Quoi, le Corse? Tu l'aimes? Non, et lui non plus, il m'aime pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut craindre? Même s'il apprend que je suis mordu pour toi, hein? Il n'y a que Pépé de dangereux. Et de le sentir par là, ce soir, entre les baraques de la foire, je sais pas, c'est une drôle d'impression. J'ai peur. Peur? Oui. De Pépé? Ben de lui et du reste, de tout. Du Corse aussi, peut-être. Peur de la vie, peur de toi. Non, dis pas ça. Tout à l'heure, Pépé m'a paru plus vache qu'il a jamais été. On dirait qu'il a l'idée de tout foutre en l'air et de s'en balancer pour de bon. Oh, il faut qu'on se tire d'ici la caille, le plus vite possible. Mais non, on peut pas. Oh, bon, allons-nous-en, je te dis. Ça va faire du vilain si on reste. Regarde. Regarde, le jour va se lever. C'est le moment qu'éclatent les bagarres. Personne ne raisonne plus. On en a tellement marre de tout que les feux partent tout seuls. Non, mais tu le vois, ce jour? Et pour pas changer, il flotte. Oh, j'en suis malade. Allez, viens. Mais pour aller où? Rends-toi compte. Entre le Corse et cette vache de Pépé, on n'irait pas loin. C'est comme ça, réfléchis. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Oh, je sais plus. Je sais qu'une chose, c'est que si tu m'aimais, tu discuterais pas. Tu viendrais. Et pourtant, t'as raison, peut-être. Oh. Bah quoi, qu'est-ce que tu regardes? La puce, le frère à bambou. Hep. Oh. Salut, la puce. Bonjour, monsieur Lacaille. Bonjour, madame Fernande. Il y a une justice. À cause? À cause qu'il y en a une. Hier, j'ai vu le frangin au dépôt. Bambou m'a dit qu'il était sûr que c'était le Corse qui l'avait donné. Mais alors? Alors? Le Corse vient de se faire arquin chez cette nuit. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Officiel. Le Corse est emballé. Ils viennent de l'avoir à un casse, rue Benjamin Godard. Mina, que j'ai rencontré sur la place, m'a boni. Bambou, ton frère, est vengé. Le Corse vient de se faire marron. Je lui dis, des chars. Elle me dit des chars. Bannon l'a vu débarquer au car. Il y a une justice. Oh, ça va, ça suffit. Il y a une justice. Ben, qu'est-ce qui se passe? Le corps s'est fait. Oh, tu débloques, môme. Hein, vous verrez dans le journal tout à l'heure si je débloque. Au revoir, monsieur Lacaille. Oh, l'ordure. Et où vas-tu? Ben, je vais au car. Comprends-tu? Comme Pépé a donné mon homme, je le donnerai, moi. J'ai promis, c'est normal, non? Évidemment. Pourtant, vous pressez pas, Mme Fernande. Ça commence des fois bien au quart, seulement ça finit toujours mal. Eh ben, tant pis. Et moi, Fernande, allons, tous tes projets, assieds-toi. Oh. T'as mal? C'est pas ça. Ben, c'est quoi, alors? Écoute, tu vas pas au moment où ça s'arrange pour nous? Ouais, au fond, moi, tu t'en fous, je passe après, la preuve. Non, mais... La pensée extordure de Pépé est capable d'une pareille saloperie. Oh, tiens, ôte-toi de là, faut que je passe. Oh, putain de flotte. Et pas un caf dans le secteur. Patron, un rhum. Voilà. Pourquoi attraper la crève? Si ma pauvre daronne me voyait. Mais pourquoi que je reste là, assise, au lieu d'aller au car balancer la vache? Pourquoi que je me sens lâche à côté de toi? J'ai même pas la force de me lever. Oh, on est si bien tous les deux, Fernande. Les deux. Juste comme tu rêvais qu'on soigne. J'en aurais pourtant à bonir sur Pépé, tiens. Pas possible. Ouais. Hein, qui lui demanderait ce qu'il faisait samedi passé, pendant le fric-frac de la rue des Martyrs, tiens. Bien. Merci. Merci. Ah, c'est malin, toi. Ah, tu te crois peut-être à la grande tôle ici. Mais qu'est-ce que t'as dans les chances pour pas avoir vu que c'est une bourrique? Eh ben, si c'en est une, tant mieux. La puce avait raison, il y a une justice. Ah, qu'elle dit. À quoi tu penses? À qui? À toi, Fernande. Ouais, à toi et à moi. C'est vrai. Alors, disons plus rien. T'es si batte, la caille. Ta peau a... Ah, me brûle. J'en suis folle. Et tes mirettes, ma Gosseline, donne-les-moi, que je les boive. Tu rigoles? Je vais te bouffer, petite lope. Rigole pas ou je te mords. Allez, viens. Ah, c'est toi qui me demandes de partir maintenant. Patron, voilà. Combien que je vous dois? Merci. T'es encore plus putain que moi. Il y a des gens qui commencent des histoires sans s'occuper de comment elles peuvent finir. Chambre au petit matin. Jésus Lacaille est seul. Il dort. Quelle heure il est? Je sais pas. Il fait jour. C'est maintenant que tu rentres? Oh, je t'en prie. Je suis fatiguée et éreintée. Oh, oh là là. On dirait que je viens à ma rencontre dans cette glace, comme si j'étais une autre. Je me reconnais plus. Qu'est-ce que tu dis ? Je dis je suis vidée. Quelle vie. Toujours le même cirque. Des types qui boivent, qui vous racontent leur dégueulasserie d'histoire avant de monter. Et c'est toujours les mêmes types, c'est toujours la même histoire. Il n'y a que l'hôtel qui change quelquefois. T'as pleuré ? Non. Oh, ça vient de la lumière du jour. Le jour et moi, on n'est plus d'accord depuis longtemps. J'ai des chasses pour pas voir. Dans un sens, ça vaut mieux. Tout est si moche. Ah ouais ? Oh oui, toi tu t'en fous. Hein. Ce qui t'intéresse, c'est le fric. Voilà 5 mois qu'on est les deux et que tu fais comme si t'étais tout seul. Oh, allez, couche-toi. Elle ne fait plus d'idées. Viens là, allez. 5 mois. Et j'ai toujours envie de vomir quand je pense à ce qu'on est devenu l'un pour l'autre. C'est parce que Pépé est dans le quartier que tu râles ? Pépé. Il me fait plus peur. C'est bien le seul qui n'a pas changé vis-à-vis de moi, tiens. Et le Corse ? Il en a encore pour 1 an. Oh, mais il ne fait pas penser, parce qu'alors, je me dégoûte encore plus. Bon, bien sûr, j'ai que ce que je mérite. Seulement, il y a des jours qu'on voudrait se sentir moins malheureux. Moins misérable. Mais tout le monde se dégoûte. Faut pas penser à rien. Si tu crois que je ne le suis pas, moi, aussi malheureux, quand j'imagine bambou en tôle... Avec des hommes. Toi, c'est pas la même chose. T'as rien à te reprocher. Tandis que moi... Oh, oh écoute, sois pas vache. Comprends. Oh, bien sûr. Mais on dirait pas. Il y a plus de bonheur au monde. Quand on rencontre au Moulin Rouge qui vivent ensemble, ils ont l'air de rire pour des riens, mais dans le fond, ils sont pas heureux. Et ceux qui s'accoudent au bar, ceux qui boivent, tu crois peut-être qu'ils sont heureux ? Ah, quand ils montent avec moi, je les écoute, là. Ben, c'est le métier. Ils parlent de choses que je fais semblant de piger. Des choses que je sais pas. Qu'ils regrettent. Oh, qu'ils la ferment pour me reluquer d'un air con. C'est des pas de chance, qui est toujours seul partout. Des ballots, des pauvres mecs. Des... Non. T'as une pipe ? Tiens. Ouvre mon sac. Je sais pas s'il en reste. Des clous ? Va en acheter. Non. Bah alors ça... Oh bah descends toi-même. Tu prendras l'air. Il fait bon, tu verras. C'est le printemps. On dirait qu'il y a comme du sucre dans l'air. T'as du chagrin, Fernande ? Non. Mais si, je le vois bien, t'as quelque chose. Écoute, bah tu veux pas... Oh, que je voudrais, ce serait... Tiens, les deux d'aller à la Cambrousse. Du côté de Chaville, par exemple. Oh, c'est battant, cette saison. La forêt renifle les feuilles. Non, t'es pas piqué. Il faut qu'on se tire si loin quand il y a des lilas plein la butte. Oh, toi ! Mais quoi, moi ? Oh, t'es personnel, même personnel ! Bon, on ira ! Non ! Oh, Fernand ! Y a pas de Fernand ! On n'ira pas, voilà ! Si tu crois... Mais je crois rien, tu t'emballes ! Marre, tu sais ! Oui, marre. Pendant que je m'explique, Monsieur Luis les roule dans les bars. Avec des copains que j'aurais honte de leur dire seulement bonjour. Bon, tu voudrais que je m'explique aussi ? Bon, pourquoi pas ? J'ai pas remisé, la môme. Si ça me plaît, je peux boulonner, sans blague. Oh, chiqueur ! Sale tante ! Salope ! Écoute, ça peut plus durer comme ça ! J'ai quelqu'un de bien. Banquier. Voilà. T'as qu'à dire un mot ? On se quitte, tu m'entends ? T'as changé avec moi. Je sais pas si t'es chippé pour un autre, mais sans boniment, ça se vaut. Alors j'aime autant me débiner et chercher une combine plus chouette. Tu m'entends ? Ben fais pas la sourde ! Le prix est le même ! Des séances tous les jours, c'est pas une vie. Oh, avant... Avant, t'étais si bad, Fernande. Eh ben, tu réponds ! Oui. Oui ? Bien. Je vais me barrer. Toi et moi, c'est fini. C'est fini. Laisse-moi. Ah, si je veux. Mais... Oh. Oh. D'abord, quand j'ai dit tout à l'heure, j'ai quelqu'un, j'ai crâné. J'ai personne. Mais toi, si t'as quelqu'un, dis-le. Ah, t'as quelqu'un ? La preuve, t'oses pas me le dire. Oh, mais je m'en fous. Oh là là. Oh, je pense que tu seras heureuse avec et que tu lui lâcheras assez de pognon pour qu'il te largue pas. Oh, oh, oh, gueule d'amour avait bien raison. Ça casse toujours avec une gonzesse. Oh. Fernande. Fernande, c'est ta faute. Oui, c'est ma faute. Je t'en veux pas, tu sais. Oh, Fernande. Non, non. Non, dis plus rien. Restons encore comme ça. Oh, puis t'en fais pas, ça s'arrangera. On va s'aimer longtemps encore, tu veux? Longtemps. Ouais. Ça te fait peur? Oh non. Longtemps. Longtemps, ma gosse. Mmh. Allez. Je descends en cigarette. Entrez. Je savais que c'était toi. Puis l'autre soir qu'on s'est causé, je savais que tu viendrais. Pourtant, quand ce sera le tour du Corse à s'amener, ça se passera pas de la même façon. Il n'oublie rien, le Corse. Moi non plus. J'ai tort peut-être de te le dire, mais je peux pas m'en ressentir pour une autre comme pour toi. Continue. Ben voilà, c'est tout. Depuis que ton homme est tombé par sa faute, je suis revenu plusieurs fois dans le quartier. T'étais trop emballé sur la caille pour m'avoir vu. Mais j'ai compris l'autre soir que le moment approchait de jouer ma chance. Et te v'là. Oui, c'est mon heure. Vraiment? Tu doutes de rien? Non, je doute de rien. Pas de mon battant, en tout cas. Depuis le temps qu'il me bonit la même rengaine, Fernande... Ah, si tu savais... Oui, si tu savais, tu ne douterais pas non plus. Des mois, des années à penser à toi, à gueuler ton nom la nuit à la fenêtre, quand j'arrive pas à en écraser. Il y a des moments, Fernande, je te jure, des sales moments où je suis obligé de me mordre la main comme ça, là, tu vois, pour pas hurler. T'es un drôle de type, Pépé. T'en connais long sur la postiche, hein? Est-ce que t'es sincère? On peut pas savoir. J'ai l'impression que tu te prends à tes propres boniments. Et alors? Ça prouve que je le suis doublement sincère. Et puis je connais les femmes, Fernande. Je les comprends. Surtout les femmes comme toi. Écoute. C'est pas joli, dis. C'est pas battre l'accordéon. Ça te flanque pas un frisson partout. Ça te donne pas envie de mettre ta tête sur l'épaule d'un mec qui a du sentiment pour toi? C'est autre chose que le clairon du Corse, hein? Oh, moi, l'accordéon, ça me chavire. Et toi? Dis, et toi, Fernande? Ça te donne pas des envies de campagne, de fleurs, de... Ça te donne pas envie de guincher? Ah, Fernande! Fernande, c'est pas possible. T'es là, dans mes bras. On gâche. C'est pas un rêve. Tu verras. On gâchera encore. J'aurais de faire tourner jusqu'à ce qu'on en crève. On ira dans les bois. On se couchera sur les fleurs. Meudon. Chaville. Oh, comment tu sais ça? J'en causais il y a pas 10 minutes. Pour Mariole, je sais les choses que les femmes ont besoin. C'est drôle, Pépé. Moi aussi, je pensais à toi plus souvent que j'aurais dû. Tu vois? Quoi? J'ai eu raison de m'amener. Peut-être, oui. Ça fait pas de doute. À présent que tu l'as eu, ton Jésus, tu dois te rendre compte? Qu'est-ce que tu te figurais? Mais voyons, ça n'existe pas, une lopette avec une femme. Et dire qu'il a fallu que t'entendes pour me croire. D'accord. Oh. Peut-être qu'il le fallait, que j'avais besoin de commettre une folie. Non, ce que t'avais besoin, Fernande, je le sais. C'est de quelqu'un que tu puisses protéger, de quelqu'un qui te respecte et qui te craigne en même temps. Alors, en voyant sa peau blanche et ses cheveux ébouriffés sur le front, tu t'es dit qu'il serait la copine idéale, hein? Une Gosseline, une poupée vicelarde. Probable aussi que t'en avais ta claque des mauvaises façons du Corse. Toi, si douce. Dommage. T'as cru qu'il pouvait te rendre heureuse, et tu t'es aperçu que tout ce qui l'intéressait dans le coup, c'était que tu raques. Tu sais ce qu'on raconte sur vous? Que tu fais le truc en combine, parfaitement, avec lui. Une fille comme toi. Je sais. Mais maintenant, tu sais. Avant, t'étais saoul, en extase. Oui. Mais faut pas. Jamais. Fernande. Pépé. Ah, tu peux t'amener, on parlait de toi. Oh, salope! Quoi? On craint pas! C'est pas parce que... Monsieur vient te faire du gringue à domicile que je le permettrai. T'as plus à me permettre ou à me défendre, rien. Mais ce qu'il veut dire... Qu'on se quitte. On se quitte? Bah, à cause... Bah, tu le sais, n'insiste pas. Je l'aimais, je me barre. Avec lui? Comme tu dis, avec lui. Tu me connais, hein? Quand l'idée me tient, on me tuerait plutôt que de m'en faire changer. Mais Fernande, tu sais qui c'est, ce type? Tu veux que je te calote? C'est pas toi, Trucœur, qui va me donner des leçons. Va chercher d'autres pigeons pour se laisser prendre à tes allures de fausse gonzesse. C'est les pleurnicheurs, les petits fendants comme toi qui sont les plus secs. Secs, oui! T'en doutes? Sec comme dit Aransor. J'ai peut-être t'épaté. Eh ben, c'est les durs, quelquefois, qui sont les plus tendres. Elle l'a bien compris, elle. C'est des vérités qu'on pige tout de suite, lorsqu'on a autant qu'elle besoin de tendresse. Allez, je me barre. Tu peux rester là et jaspiner tant que tu voudras. Je sais qu'elle viendra me rejoindre. Et qu'on sera heureux, les deux. Enfin. Comme depuis toujours, j'ai rêvé qu'on soit. Chérie. Tira pas au bar. L'attends pas, je la garde! Mais si, j'irai. Te fâche donc pas. Seulement d'abord, j'ai à te parler. Mais comment? Avec Pépé? Tu vas te mettre avec Pépé, mais non, c'est impossible. Avec tout ce qu'il y a eu entre vous... Tu me plais trop, ma gueule. Quand je te vois môme comme t'es à cause de moi... Eh ben, pourquoi que tu veux partir? Rappelle-toi, c'était bon. Quoi? L'amour. Tu me disais, t'es ma femme. Oui, ma femme. Oh, c'est pour t'en battre. Ou alors, qu'est-ce que c'est? Des visions. Mais Pépé a donné le Corse! Il l'a donné pour moi. Mais tu disais qu'il te faisait peur, qu'il te répugnait. Bah, probable que j'ai réfléchi. Oh, je veux plus rien te reprocher, Lacaille, mais seulement t'étais pas chic. Le môme que j'aimais chez toi, t'as jamais su l'être ou t'as jamais voulu... Tu te foutais de moi. Mais non, oh, je non, te... dis pas le contraire. Je m'ai bien aperçu de tout. C'est vrai, t'es un mignard. Ça pourra jamais aller, toi, avec une fille. Oh, t'as tort. Te mettre avec Pépé, c'est pas croyable, dis. Fernande, pas croyable. Oh, mais quand t'es pleurard et tout môme comme ça, tu me plais. Fernande. Quoi, mon gosse? Oh, c'est pas vrai, dis, tu l'aimes pas. Vois-tu, Lacaille, un béguin chasse l'autre, ça se discute pas. Il est fou de moi, Pépé. Du temps qu'il me parlait, je rigolais. Mais ça me faisait plaisir, pourtant. Toi aussi, ça te plaisait, non? De me voir chipper pour tâcher les gueules. Et voilà, je vais partir. Va-t'en. J'ai envie de t'esquinter, de te faire mal. Va-t'en, mais va-t'en donc. Je me fous de tout. Oui. Me fous de tout, je me fous de tout. Lacaille. Hey. Monsieur Lacaille. Ah, c'est toi, la puce. Vous avez des ennuis? À cause d'elle? Ouais. Elle vous a plaqué? Ouais, c'est fini, les deux. Oh, les gonzesses. J'ai bien vu avec ma frangine ce qu'elles valent. Faut toujours les cogner. On leur redonne l'habitude. Après, ça devient du travail. Dites, vraiment, c'est fini pour de bon? Pour toujours. Ah, tant mieux. Vous voulez mon avis? Le corps sortira tôt l'un de ces jours. Alors il y aurait eu du vilain pour vous, monsieur Lacaille. Elle est partie avec Pépé? Tu le savais? Il y a tellement de temps qu'il l'a dans le sang qu'on raconte que ça devait arriver. Oh, faut pas vous tourmenter, je vous jure. Oh, j'ai le cafard. Bien sûr que je me fous d'elle. Pourtant, c'est d'elle que j'ai mal. Tu vois la puce, je peux même pas dire que je l'aime. C'est pas vrai. J'aime personne. C'est de ça surtout que le noir me vient. Personne, personne. Bambou. J'y pense encore et quelquefois ça me guérit, puis ça me dégoûte d'avec Fernando. Oh, je me dégoûte, je sais plus ce que je veux. Chialez pas, monsieur Lacaille. Oh, j'ai... Je suis ici. Avec vous. Moi. Et si vous voulez bien, moi je vous en gagnerai du pèse. Bar au crépuscule. Fernande se fait les ongles en fumant. C'est l'heure creuse. T'as vu Pépé? Il te cherchait. Oh, celui-là. Quand je suis pas dans un coin, il me cherche dans l'autre. Acré! Les bourgs! On sera jamais tranquille avec ces salauds-là. Je sais pas ce qu'ils peuvent avoir à nous emmerder tous depuis quelque temps. Un petit Anjou? Ah bah oui. Allez, vache. Ça les amuse, on le dirait, d'arrêter le boulot. Aujourd'hui, la Bretonne est faite. Crois-tu? L'île à la Bretonne? Oui. Sans blague, une femme en carte? En carte? Ça fout pas mal, tu penses, qu'on soit en carte ou non? Ah, j'ai eu chaud. Ben, ils sont toujours là dans la rue. Vaut mieux pas se risquer, hein? Oh, ben toi, t'es béni. Tu crains rien. Qu'est-ce que tu dis? Avec son homme, elle est parée, hein? Ben, c'est de moi que tu causes? Probable. Alors vas-y, accouche. Non, laisse. T'escanne pas à m'arranger les chasses. J'y vois clair. Pépé la vache. Il vaut le tien, mon homme. D'abord, j'ai plus d'homme. C'est moi si tu veux que je te le dise. Avec un type comme Pépé, t'as pas besoin de faire la rue. Il n'en gagne pas assez. Sans blague. Tu charries ou tu me prends? Oh, pour... je te prends pas, je te laisse. Ouais, c'est ça, laisse-moi. Je suis pas jalouse. Et même si que j'en trouvais un à la grande tôle, écoute, je te le refilerai. À deux, tu serais paré. Répète. Allez, allez, c'est pas le moment de vous bagarrer. Les poulets n'auraient qu'à s'amener, ils vous mettraient d'accord. J'ai pas raison. Oh, j'ai pas à m'occuper des raisons des autres. Bah moi. Oui, mais ça va pas se passer comme ça. Tu t'imagines que je vais laisser traiter mon homme de... Bah vas-y, dis-le. De bourrique. Bon, bah je le traite de ce qu'il est. Comment qu'on les appelle, ceux qui sont en combine avec les bourgs? Putain! Alors, pas de paix ou ça tournera mal. Non, mais vise-moi là. Elle a l'air de tomber du ciel. Sans blague. Tu le savais pas que Pépé s'occupe à la grande maison? Il t'affranchit pas. Mais non, mais y a donc plus d'hommes à Montmartre pour mettre les choses au point. Ah, je sais que de mon temps, c'est... Ouais, ton temps, les bourriques ne restaient pas longtemps sur leurs deux pattes. Je parle du temps de l'incendie, d'Yvonnette, du grand pote. Suffit! Madame a des rognes. Traiter mon homme de bourrique? Ah, mais alors ça, je le supporterai pas! Voyez-vous! Je vais te les faire rentrer dans le bide, moi, tes mensonges! Ça va? Ah, bah, tu tombes bien. Tu es content que madame aime. Laisse tomber, j'ai entendu. La bourrique pour bourrique, je préfère celle de dehors! Alors, tu me laisses insulter. Quand je me suis mise avec toi, je savais ce que je savais, mais ça m'a pas retenu. Je te croyais pas dégonflé à ce point-là. T'avais pourtant promis de prendre mes crosses en cas de besoin. N'excuse pas. J'offre un verre. Pas soif. Et puis, t'offres un verre. Avec du fric que j'en veux pas. T'es con, toi-même, je te jure. Donc tu l'as, ton fric. Réponds. Invite le monde, patron. Réponds ! Où vas-tu le chercher, ton fric ? Depuis plus d'un an qu'on est ensemble, j'arrive pas à le savoir. La crise. Voilà. Tu as pu la ramener au prends-garde. Je veux dire que ça me foute qu'une paumée comme Bertha me traite de... Quoi ? Mais de bourrique ! Alors, toi... T'as pas peur, non, ça... T'as pas peur des mots. Et si je te filais une trempe ? Si je te la filais... Oh, pépé. je t'adore. T'es une femme à pétard, ma gueule. Et je te changerai pas. Tel que t'es, j'ai du vice pour toi. C'est battre les deux, hein, malgré tout. Un jour plus tard, tu verras, on s'achètera un bar. À Montrouge, hein, ou ailleurs. Et on passera des chouettes années en peinard. La belle vie. Tu vois loin. Et pourquoi je verrais pas loin? Ah oui, le Corse. T'en fais pas. Je l'ai possédé une première fois. Possible que je l'aie une seconde. Ah, et tu t'en vantes. Ah bah. Ah, je comprends maintenant que t'aies pas répondu à Bertha. Bourrique! Non mais elle t'a traité de bourrique! Attends, laisse que je la rencontre, celle-là. Moi, je la corrigerai puisque t'as pas de sang pour le faire à ma place. Une bourrique! Et Loupé, tu l'as vu? Non. Tu m'as bien dit qu'il te refilerait une paire de boucles d'oreilles que tu biglais l'autre soir à l'aventure d'une bijouterie. Oh, c'est un mot, mais il a dit ça comme ça pour jouer les marioles. Ah, il a dit ça comme ça. Eh bien, lui et sa bande, cette nuit, ils ont fait un casse, rue de Douai. Oh. Méfie-toi, s'il te refile les diams, et qu'on te ramasse avec, ça pourrait te mener loin. Oh, Loupé? Pas possible. Où tu vas? J'ai affaire en ville. Bonsoir. Prends du feu. T'as pas vu Loupé, les copains de sa bande? Non. Moi que je les vois, vu que ça me plaît. À cause? À cause d'à cause. Des terreurs? Ouais, plus moche que des terreurs. Ça buterait père et mère, histoire de se faire la main. Moi, ils me font marrer. Je les ai tous les soirs à mes trousses. Des fois, ils m'avertissent quand ils ont repéré un bourgeois. Loupé, tiens, surtout, il est culotté. Mais... Là, l'homme. Bonsoir, Madame Fernand. Bonsoir, Loupé. Allez, deux mêlées casse, patron. Beaucoup de mêlées et beaucoup de casse. Voilà. Merci. Vous savez, Madame Fernand, les pendeloques qu'on luquait l'autre jour dans la vitrine, eh ben, je les ai. Oh, mince. Des mômes pareils travaillaient comme ça. Hé, hey, allez, ils sont à vous. Ah non, tu charries. Ah non, non, planquez-les. Allez, c'est notre cadeau aux copains et à moi. Non. Allez, planquez-les, je vous dis, allez, tenez. Oh, je devrais pas t'écouter. C'est Mépogne qui entrait le premier. Nous, on espionnait du dehors, et puis on l'a suivi, et on avait chacun son rayon à visiter. Ouais. Un moment, hein, à la caisse, ben, j'ai bien cru qu'il s'esquintait rapport au pèse. Alors, paie là-dedans que je fais. En m'aboulant, hein. Et puis j'ai sorti mon feu. Ouais, ouais. Alors, je leur ai dit, Mépogne et Criquet, vous là, continuez. Et 22, toi là, hé, hey, oh, hé, hey, fais les tiroirs. Ah, c'est pareil, hein. Et puis toi, la flemme, occupe-toi des vitrines qui est dans le fond. Je m'arrange sur l'aventure. Et après, on partagera. Il y aura chacun sa part, les gars. Et pas de rouspétance, hein. Ou le premier qui la ramènerait, je le brûle. Parole. Mais t'as tout d'un caïd, petite tête. Hé, visez mon feu. Hein. Et l'homme qui me l'a donné s'appelait Fifi. Oh, ben, vous le connaissiez pas? Sa femme, c'est la Bertha. Je la connais. On a même eu des mots ensemble. Alors, quand ça? Bah, tout à l'heure. Des mots que je lui ferai avaler de force dans sa grande gueule. Non, vous voulez vous battre avec Bertha? Ah oui, plutôt. Mme Fernande, c'est impossible. Vous battre, laissez faire. J'arrangerai ça. Vous non, allez voir. Pas question. Mais pourquoi? Tiens, joue-moi un air. Il y a longtemps que t'as pas vu Jésus Lacaille. Ben, je l'ai vu hier soir avec la puce. Ah oui, bien sûr. Avec la puce. Bertha. Et alors? Viens par ici, qu'on se cause. Ici? Le cointe des plaies? T'es donc pas chez moi, nom de Dieu, ou j'appelle les flics. Hein? Laisse, que j'arrange madame d'abord. Vous m'avez entendu? Et tiens! On te l'a fait! De quoi? Rentrons-nous dans ma boîte! Mais comme des hommes, ma parole! Non, mais elle l'a dit, hein! Elle l'a dit, bourrique! Mais si vous arrêtez pas la danse, je fais signe aux flics! Vous entendez? Bon! C'est de là? Celui-là, les bracelets. Quoi? Mais j'ai rien fait, moi, mais ça va mais pas. Mais ce sont un tissu comme des chaînes, avant que j'aie eu le temps de comprendre ce qui se passait. Des gonzesses, ça fait vite. Ah, c'est égal, elle t'a bien arrangé. C'est cette vache qui... Ta gueule, tu répondras quand on t'interrogera, toi. Ah, ça va. Fais voir tes poches, mon petit gars. J'ai rien. Un pétard, des bijoux. Oh. Ah, bravo. Venez, mettez ça de côté. Eh, c'est bien ça. Le sac. Mm-hmm. Dis-le le sac à main de Bertha, c'est une copine au monde. Pas celui-là. À qui est-ce? À moi. J'ai dit l'autre sac. Qu'est-ce que c'est que ça, des boucles? Hein, des boucles? Ben, ça va avec le reste. Qu'est-ce que vous en dites? Naturellement. Des pendeloques que j'ai jamais tant vus. On les a mises depuis tout à l'heure. C'est pas elle. Ah, bien, qu'est-ce qu'on vous demande? Ça, alors? Allez, pas d'histoire, l'affaire est entendue. Les boucles sont à madame. Et il faudra bien qu'elle nous dise qui les lui a données. Hein? Oh, mais ça, c'est trop fort, là. Mais silence! D'abord, vous, c'est pas une raison parce que je vous connais? Je vous connais pas, moi. Loupé, pas la peine de se frapper, on est bon. Ouais. C'est un coup de madame et de monsieur, cherche pas. Allez, en route. Ouais, ça va. Allez, vous aussi, patron. Ben, moi? Oh, vous dicterez votre déposition. Émaniez-vous, hein? Il a fallu que tu cognes? Parle pas de cogne, je t'en prie. Allons, Fernande. Qu'est-ce que je t'offre? Je veux rien accepter de toi. Allons, fais pas d'histoire, c'est du friconnette, c'est celui du bistrot. Où que tu vas? Je me barre! Prends garde, Fernande. On se reverra. Bien sûr qu'on se reverra. Bourrique! La dame avait son Jésus dans la peau, mais elle avait aussi son homme, qui certains soirs lui montra comme on peut se servir d'un couteau. Plus agile que l'antilope, la caille à défaut de métier changea cependant de quartier. Il s'explique à la rue de l'Ope. Jésus Lacaille est un garçon qu'on prend souvent pour une fille, qu'on prend souvent pour une fille. On dit de lui qu'elle est gentille, qu'il a du charme à sa façon. Fille, garçon vont bien ensemble, ce qui manque à l'un, l'autre là, que vous ensemble, tra-la-la. La chambre. On remarque la photographie de bambou sur la table de chevet. Jésus, très élégant, achève sa toilette devant le miroir. Vautré sur le lit, tout vêtu, la puce coiffée d'une archaïque casquette. Ta da da da da la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Une supposition, monsieur Lacaille, que je me lance sur les planches, vous y verriez du mal? Non. Alors vous n'êtes pas de l'avis du père? Quand Bambou s'est mis dans le concert, le père a dit c'est foutu. Mais moi je pense comme vous, le père sait pas. Bambou. Ah, bambou. C'est que les copains racontent de belles sur notre compte, sous prétexte qu'on habite ensemble. Ils disent qu'il vaudrait mieux que bambou ne le sache pas. Moi, je trouve pas. Au contraire. Mon frangin préfère ça que de vous savoir avec une femme. J'y ai dit. Ça le rassure. On s'est égal. Faut gueuler au parloir pour s'entendre. Il y a des femmes et des mômes qui chialent. Ceux qui se taisent sont rares. Des vieux, ceux-là. Et la bougie les éclaire. Ils se bouffent des yeux tout le temps sans rien dire. Ils en auraient trop long, probable. Et moi, je crie. Bonjour, ça va? J'y ajoute que vous êtes au bistrot, là, tout près, à m'attendre. Comme s'il ne pouvait pas vous laisser entrer avec moi pour le voir, lui causer. Il y aurait trop de monde, sans doute, si chacun avait droit aux visites. Faut penser que Bambou n'en a plus pour longtemps. Et que d'ici là, je suis avec vous. Je remplace mon frère. Pas? Ouais. Et la Fernande? D'y penser, ça vous donne toujours le bourdon? Oh, c'est loin. Déjà loin, Fernande. À propos, il paraît que le corps serait sorti de cabane. Qu'est-ce que tu dis? Bon, maintenant que vous êtes à l'abri de sa rancune. Oui. Autre chose, vous croyez qu'on peut aimer un vieux? Pourquoi pas? Vraiment? Vous avez été avec un vieux, vous? Alors, vous pouvez pas me proposer de marcher avec lui. Mais qui, lui? Tu me parles, je comprends rien. Quoi? Celui de l'électrique que je vous ai causé. Ah, oui. Il vient à ce bar exprès pour moi, qui dit. Et ça lui ronge le sang de me voir faire le truc sur les boulevards. Ouais. L'autre jour, il m'a parlé de vous. N'est-ce pas, comme de juge, je le laisse dire. Des fois qu'il essaierait de me rendre jaloux. J'ai rencard avec lui ce soir. Est-ce que j'y vais? Mais bien sûr, vas-y, va. Bon. Bon, alors je me casse. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, 4, 5, le roi de trèfle, le... Tu vois, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu veux? Dormir. Je sais plus où aller, j'ai couru dans les rues comme une folle. Je voudrais me reposer, tout oublier, me renvoie pas, me chasse pas. Mais Pépé? J'aurais dû t'écouter. Ça te fait plaisir de me revoir? Beaucoup, Fernande. Tu sais pas? Oh non, tu peux pas savoir. J'ai plus la tête à moi, ni rien. Tiens, regarde comme je suis mise. Il t'a battu? Non, c'est pas lui, c'est une femme avec qui je me suis expliquée, la Bertha. Qu'est-ce que tu deviens? Moi? Je démarre pas d'ici. J'ai pas à me plaindre. Bambou doit sortir de tôle bientôt. La puce va le voir toutes les semaines. Je m'ai arrangé avec la puce, là tout. Qu'est-ce que tu crois? Oh, rien. Avec la vache, la vie n'est plus possible. Oh, si tu voulais, je resterai ici dans ta chambre pour attendre. Qui revienne? Qui? Pépé. Oh, t'as pas changé, lacaille. Avec toi, pas d'histoire, hein? Bon, c'est ton droit. Seulement, qu'est-ce que je vais devenir, moi? Oh, quel malheur, dit môme, que tout ça soit arrivé. Ça marchait pas tellement mal avec le Corse. C'était un homme. Et j'ai beau chercher le pareil inutile. Moi, j'en crève quand je pense que j'ai laissé Pépé le Ferrare gâcher sans lui rendre l'appareil. J'aurais dû. J'ai pas pu, c'est ignoble. Mais non, c'est pas ignoble, Fernande, c'est la vie. Ouais, oh, c'est... bah, elle est chouette, la vie, parlons-en. Je te jure pourtant que si le Corse devait pas se venger... Se venger, mais... Oh, mais non, pas toi, lacaille. Toi, t'as rien fait. Tout est de ma faute. Et de la faute à Pépé. Ah, celui-là, oui, ce sera bien que le Corse lui fasse la peau. Mais il le butera, sois tranquille. Mais Pépé va te chercher? Eh ben, qui cherche? Ben, il va peut-être venir ici. Ben, il me trouvera s'il vient. Ben, et s'il nous voit, les deux ensemble? Menez donc pas peur, je suis là. Ouais, mais j'ai pas peur. Pourtant, avec le Corse, Pépé, les bourgs, comment tu veux que je fasse? Je suis bon, moi. Les bourgs, tiens, par exemple. Il n'y en a jamais tant eu dans le coin. Et dégueulasse! Écoute, moi, je désire qu'une chose, hein, tenir peinard à n'importe quel prix. Tu m'entends? Mais tu me comprends, Fernande? 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, c'est le roi de carreau qui me poursuit. Je peux pas toucher les cartes sans l'avoir dans mon jeu. Des fois, il y a encore Ogier. C'est rare. Tiens, qu'est-ce que je disais? César, c'est toujours lui, le Corse, mon homme. Fernande. Non. Non, reste pas. Va-t'en, je suis pour rien dans le coup, tu le sais bien. Alors tu me fous dehors? Non, je... Alors, je te demande d'être juste, quoi. Et dire que c'est pour toi, dans le fond, que tout est arrivé. Ah, il y a de quoi rire. Allez, adieu, môme. Adieu. Bonsoir. Minute! C'est donc pour lui qu'il m'a quitté? Non, mais chut, te fort, non? Pourquoi t'es-tu sauvé? Pourquoi? Non, mais tu demandes pourquoi tu vas fort! Ah, faut pas croire que tu t'en tireras comme ça, tu me dois une explication. Avec les bourriques, y a rien à dire, rien à expliquer. J'ai joué un drôle de jeu, Fernande. S'il y a quelqu'un de pas franc dans l'histoire, c'est bien toi. Tu le savais qu'il avait donné le Corse. Ça t'a pas empêché de te mettre avec moi, au contraire, ça t'excitait. Et Loupé? Pourquoi tu l'as donné, Loupé? Je l'ai donné parce qu'il me débecte. Tous ceux qui rodaillent autour de toi me débectent. Ah, ne lui fais pas de mal, hein? Ah, mais c'est ma femme, j'ai le droit. Sa femme? Ah, ah, ah non, laisse-moi rigoler, oh. Oh, bon Dieu, mais où c'est qu'il est donc, mon homme, pour de vrai? En tôle. Oh, mais j'en ai marre, moi, j'en ai marre de vos histoires. Allez vous expliquer ailleurs. J'ai rien à y voir. Ah, c'est ça, Foulcran. T'entends ou t'es sourd? J'aime expliquer avec Fernande. Tu vois, Fernande, je t'avais prévenu, il y a toujours des histoires avec ce type-là. Alors? Oh, mais j'en ai marre, marre et marre! Ouais. Il est en tôle, le Corse. Il sortira, va, t'en fais pas. Oh, faut pas croire que vous remettrez ça tous les deux. Je suis là, moi, et je l'attends. Écoute, Fernande, je me fâche pas. Décide. Mais c'est tout décidé, je me tire. Tu m'aimes trop, Pépé, c'est plus une vie. Ah, que Fernande, du chien. Qu'est-ce qui se passe? Y a quelqu'un en bas? Quelqu'un? Hein? Oh, c'est lui. Je le vois, ta figure, Pépé, qui est devenue toute pâle d'un coup. Enfin! Je suis pâle. C'est... Oui, mais regarde-toi. Mais où que t'as vu ça, je suis pâle. Mais regarde-toi dans la glace. Oui, t'es pâle. Alors, tu vas la fermer, je suis pâle, moi. Je suis pâle. Oui. Il y a des rognes là-dedans? Allez. Jette ton feu. Quoi? Ton feu! T'avais peur? Fumier. T'es là, tu t'en prends à moi. Y a pas que de ma faute. Moi, j'ai toujours joué franc jeu avec toi, si tu te rappelles. Si t'as des rogues, c'est à elle. Oui, c'est à elle qu'il faut causer. C'est une fille que rien ne la contente. Elle voulait le mignard, hein. Je sais pas si tu t'en souviens, sa petite gueule la rendait dingue. Bon, ben elle l'a eu. Et ça y a pas suffi. Alors elle a voulu m'essayer. Tu vois, je suis réglo, hein. J'avais du sentiment pour elle, et pas d'hier, ça se discute pas, hein. Écoute, le Corse. On peut s'expliquer sans se fâcher. Je vais te dire, Fernande, c'est qu'un paillasson. Il faut donc qu'on la traite comme un paillasson. Et toi, tu sais. Bah quoi, mais... Je t'explique. Oh, mon homme. Mon homme. Oh, mon homme. Oh, si tu savais comment que j'ai tombé sans toi. Oh, mon Dieu. Non, ne crie pas, n'appelle pas Fernande. Pleure plutôt. Oh, on est si pareils, les deux. Tu vois, Pépé, le Corse l'a eu. Le Corse? Ah oh, non, c'est pas le Corse. Dis jamais que c'est le Corse, t'entends? Mais Fernande, je t'en supplie, mais qu'est-ce que tu vas faire, Fernande? Ne sors pas! Au secours! Au secours! Venez tout le monde! Allez prévenir les agents. Moi, la Fernande. Oui, oui, moi. J'ai crevé mon âme. Vous avez entendu « Jésus Lacaille » de Frédéric Dard d'après le roman de Francis Carco, avec Rosy Vart, Fernande, Maurice Sarfati, Jésus Lacaille, Germaine Montero, Bertha, Jacques Degore, Le Corse, Jacques Mauclair, Pépé Lavache, Michel Creton, Loupé, Jacques Fonson, La Puce, Pierre Féval, Le Patron du Café, avec Marcel Alba et Robert Verani, bruitage Jean-Jacques Noël. La chanson de Jésus Lacaille, interprétée par Germaine Montero, est de Francis Carco et Joseph Cosma, à l'accordéon René Joly. Cette dramatique a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 11 juillet 1968. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Longue bougie éclairait son visage, naquit mordère, enfant de terre, mordit fort au lait de sa mère. Longue bougie éclairait son visage, mordit à la pomme d'enfance, lisse de jus et de croyance, mordit aux chiffres à la grammaire. Longue bougie éclairait son ardoise, mordit au sein de ses chéris, lavandeier, chardon, framboise, mordit le doux, mordit la mer. Longue bougie éclairait ses prairies, limaille, clou, faisait la beurre, mordit au bois, mordit au fer, pour manger peine qu'il faut faire. Longue bougie éclairait sa sueur, mordit au sel, mordit au gel, mordit au gel et à la guerre. Homme de troupe, homme ordinaire, longue bougie éclairait sa gamelle. Mordit au drap de maladie, Dieu qu'il est tôt, ma fleur de vie, lavandeier, chardon, fougère. La belle mordue est finie. Oh la mordeur, tiens-toi plus sage, assez mordu, mord la poussière, mordis la poussière de terre. Longue bougie éclairait son visage, le voir encore loin des vivants. Longue bougie éclairait son visage, grand Dieu comme il montre les dents, c'est du ciel qu'il avait la rage.